Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Tony Atlaoui. Moi, ma galère de galère, je commençais l'humour, voilà, ouais. En 2006. Je fais une grosse soirée dans ma ville et après je dois partir à Paris, voilà, pour essayer de commencer. Et là, des illusions, quoi. Déjà à Paris, tu sais très bien que tu remplis pas très, beaucoup, très dur. Ouais, très, très dur. Et il y a un jour, tu connais, avant les matchs de la Ligue des Champions, c'était sur TF1. Ouais. Et c'était le mercredi, mardi et mercredi. Moi, je jouais le mercredi soir et je jouais dans un café-théâtre qui avait une partie café et après, tu passais la porte et il y avait la partie théâtre. Et en fait, il y a ce soir-là énormément de monde dans la partie café qui regardait le match et que deux personnes dans ma salle qui avaient déjà vu le spectacle dans ma ville quand j'avais cartonné, tu vois. Et genre, c'était des nanas qui faisaient leurs études à Paris, du coup, ils étaient venus me voir et leur jeu, c'était de terminer mes phrases parce qu'elles connaissaient déjà le spectacle. Ah, elles finissaient tes vannes. Elles finissaient mes vannes. Ah, et le pire du pire dans la galère, c'est que... C'est qu'elles les disaient mieux que toi. Non, c'est que moi, j'essayais de changer, tu vois. C'est de changer la fin des phrases parce que sinon, c'était pas marrant, tu vois. Et en fait, du coup, le spectacle, t'es claqué parce que, tu sais, quand t'écris un truc, t'essaies que ce soit au millimètre, mais comme t'essaies de changer de phrase pour qu'elle soit un peu surprise. Donc voilà, et le pire du pire, c'est que t'avais même le régisseur couvrir la porte de temps en temps pour regarder le score du match. Et donc, qu'après, le bruit devait rentrer. Et il me regardait et il soupirait, tu vois. Et les gens pensaient que les chiottes, c'était la salle de spectacle. Et en fait, ils refermaient la porte en disant « Oh, pardon !» Donc c'était un de mes pires moments, Sofiane. Eh bien franchement, ça, c'est une belle galère, c'est sûr que c'est une belle galère. C'est là que tu te dis, je vais être loin de faire carrière, et finalement, tu vois, on s'en sort bien aujourd'hui, ça fait plaisir. On s'en sort très bien quand même, t'inquiète pas. Voilà. Les deux jeunes filles, du coup, tu les as butées de quelle façon? Non, mais écoute, c'est quoi, ces filles-là, je leur ai dit, je vous réinvite un jour, quand je jouerai, qu'il y aura beaucoup plus de monde, et elles sont jamais revenues. Mais ça, tu vois, c'est dommage, parce que, en fait, elles sont parties du bien, c'est-à-dire, elles t'ont vu cartonner dans ta ville, ouais. Et ensuite, elles t'ont vu faire un flop à Paris, quoi. Ouais. Ça aurait été tellement mieux dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elles viennent te voir d'abord et que ça se passe mal, entre guillemets, et qu'elles reviennent te voir dans une salle pleine et qu'elles voient ton vrai potentiel. Ouais, après, tu sais, ça arrive, hein. Tu peux, j'aurais pu, cartonner dans les deux aussi, on aurait pu aussi cartonner partout. Ouais, tu vois. Aussi, mais bon, en même temps, voilà, quoi, il y avait un match de foot à côté, je te comprends. Exactement, hein, tu vois. Exactement. Et le pire, c'est qu'après, moi, je buvais des coups en dépression. Et les gars, ils étaient super contents parce que la France avait gagné, tu vois. C'est ça, mais pourquoi tu fais la gueule? Donc, voilà. Oh là là là, ah ben belle galère. Hein. Bah tu vois, moi ça me rappelle un petit truc aussi avec un match que j'ai eu dans ma tournée de l'année dernière. En fait, ma dernière date c'était dans le département de la Sarthe et j'arrive à trouver un bar au Mans qui accepte de me prendre et tout, genre pour le spectacle, c'était cool, très sympa de leur part. Il fallait que je clôture la tournée, donc ça m'arrangeait. Je vais pour rejouer, le mec je lui demande déjà quel jour disponible. Il me dit un dimanche. Je dis d'accord, je lui dis j'ai tel dimanche. Il me dit alors le premier dimanche non parce qu'il y a un match super important, tout le monde va regarder le match, ça sert à rien. Il me dit on prend le dimanche 22 décembre. Je dis ok, dimanche 22, pas de souci. Il me dit attends, je vérifie. Il demande à sa collègue et tout, il demande y a quoi ce match là? Ouais, on s'en fout. Ok, c'est bon. Il me dit c'est bon, tu viens, le match on s'en tape, tu viens, tu joues, il y aura pas de match. Ok. Donc je viens le jour qui était prévu, quoi. Et j'arrive là-bas et je vois tout le monde installé devant le match de rugby. Et je dis, mais excuse-moi, il ne devait pas ne pas y avoir de match? Et on me dit, ah, mais finalement, voilà. Ils étaient tous venus voir le match, quoi. Moi, ceux qui étaient venus me voir, moi, entre guillemets, il devait y en avoir 4, 5, je ne sais pas, tu vois. J'ai été voir le DJ. C'était un DJ, tu vois, qui passait la musique et tout. J'étais le voir, je lui dis, excuse-moi, il y a moyen d'éteindre la télé ou pas? Et il m'a regardé et dans ses yeux, j'ai senti le « si j'éteins, il me tue ». Tu sais? Donc j'ai dit non, bon, c'est pas grave. Et j'ai joué quand même. Et c'était une date, une souffrance, tu peux même pas imaginer, tu sais. J'ai joué, en plus mon spectacle, il fait genre 1h15, 1h20. 1h15, 1h20 où t'as envie de mourir, tu sais, vraiment. Parce que tu fais des blagues et ça te fait mal parce que t'arrives pas à les livrer correctement parce qu'il y a le bruit de la télé derrière. Et les 4 ou 5 personnes qui viennent te voir, elles font, bah quand même, c'est pas ouf finalement, tu vois. C'est dommage parce que ça tue la qualité de ton spectacle. Ouais. Les autres spectateurs, je te jure, à un moment, j'ai posé le micro. Enfin, j'ai dit, non mais les gars, va falloir qu'on fasse quelque chose, là, c'est pas possible. Ils faisaient trop de bruit, ils parlaient et tout, mais ils en avaient rien à taper, ils étaient venus voir le match. Mais je peux même pas me, genre, en vouloir au lieu, genre au spectateur plutôt. Je peux même pas en vouloir aux spectateurs parce que eux ils étaient venus voir un match, ouais. Ils s'en foutaient de mon spectacle. Bien sûr. Ils étaient pas venus pour ça. J'en veux au lieu plutôt qui, ouais, m'avait dit il y aura pas de match. Genre ce match là on s'en fiche et finalement on s'en fiche pas, tu vois. Ouais. Et c'est ça, vraiment ça m'a fait mal. Mais donc je comprends ta souffrance et vraiment ouais, t'as eu une belle galère, mais bon voilà. Hein. Tu avais d'autres galères j'ai ou pas? J'ai plein de galères. Ouais. Après, ouais. N'hésite pas, vas-y. J'en ai une, je fais un concours d'humoriste. Ouais. Pour un concours assez réputé. Ouais. Voilà. On nous dit, bon, les sélections sont déjà passées, mais il manque un humoriste. Donc, on va faire une soirée spéciale. Voilà, je dis, ok, pas de souci. Voilà. Je fais partie des candidats. Il y a plein de candidats en plus que je connais. Mmh. Et en fait, j'arrive et on va à Chalon-sur-Saône. Ouais. Voilà, et j'arrive et on nous dit, voilà, ça, voilà c'est dans ce palais omnisport et tout ça. Tu fais, waouh! Et en fait, on rentre dans le palais omnisport et en fait, c'était une foire où il y avait des stands et une scène. Et nous, on était entre un stand saucisson et un stand fromage. Et on faisait des blagues et les gens passaient devant nous. Personne ne s'arrêtait en fait. Et le jury, c'était une Miss Bourgogne. Ouais, d'accord. Donc, il ne connaît rien à l'humour. Évidemment. Voilà. Mais bon, c'est un public hein, comme un autre. Il y avait le patron du festival qui savait déjà qui l'allait faire gagner. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Et puis les autres, je ne les connaissais pas, tu vois. Et on joue. Quoi, je joue. Voilà, on fait nos trucs et tout ça. Mm-hmm. J'ai quand même quelques rires et tout ça. Ouais. Voilà, on est plusieurs à avoir quelques rires. Est-ce qu'elle vous a fait défiler en maillot ou pas? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai réussi à faire rire les gens parce que je n'ai pas fait un bout de mon spectacle. Je voyais que les gens n'étaient pas attentifs, donc je suis descendu et j'ai pris son écharpe et je faisais le con avec, tu vois. Apparemment, elle s'est fait défoncer parce que quand tu prends l'écharpe d'une miss, c'est comme si, tu vois. Genre, c'est un truc sacré, quoi. Ouais, et du coup, voilà, et les gens ne nous écoutaient pas du tout et tout ça, et ils ont fait gagner une meuf. Ouais. Qui a... La vendeuse de saucisses. Non. Ils ont fait gagner une meuf qui a craqué pendant son sketch. C'est-à-dire, elle a fait son sketch et elle supportait pas. Elle a fait, oh, bon, je préfère m'arrêter là. Et elle a posé. Et elle a gagné. Et c'est elle qui a gagné. Et la Miss me dit, moi j'ai voté pour toi. Et puis d'autres avaient voté pour un autre humoriste qu'on connaît d'ailleurs en commun. Et du coup, voilà. Et cette nana, personne n'avait voté pour elle. Donc c'était juste le gars. L'autre consolation, quoi. Juste le gars qui avait organisé le festival qui voulait la faire gagner. Et du coup. Ah, c'était truqué dès le départ. C'était quoi. Un peu truqué dès le départ. Et c'est là que j'ai compris un petit peu le métier. Eh ouais, malheureusement c'est comme ça. C'est moi, tu sais quoi, j'ai eu un truc aussi. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a des anecdotes un peu comme ça qui se ressemblent. Moi, j'ai fait un concours d'humoriste aussi avec des copains et tout. Et je passe. Alors déjà, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai demandé. J'ai dit, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une musique d'intro? Tu sais, j'ai ma clé USB avec ma petite musique et tout. J'ai un truc un peu rodé pour mon entrée, quoi. Tu vois, comme tous les humoristes. Et on me dit non, malheureusement, pas de musique. Personne n'aura de la musique. Bon, bah d'accord, ok, hein, je joue le jeu. Et moi, je devais passer genre 7e ou 8e, et je vois que le 4e ou le 5e, il arrive avec une musique, tu sais. Et je dis déjà, c'est pas normal. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, j'y vais quand même. Je joue mon truc, ça y est, je passe et tout. Et à la fin, je me dis, franchement, ça s'est quand même bien passé, ça va. Je pensais, tu vois, il y avait le prix du public, le prix du jury. Je me suis dit, allez, je pense que, voilà. Il y avait un mec, c'était un local. Et en général, le local, voilà, forcément, comme c'est le prix du public, il a emmené la moitié de la salle, tu vois. Donc, c'est pas grave. Il a gagné, bon, c'est pas grave. Mais je me disais, le prix du jury, j'ai des chances de l'avoir quand même. Ouais. Et j'ai rien, tu vois. Mais c'est pas grave. Tu sais, tu perds. J'en ai perdu des concours, j'en perdrai peut-être encore, j'en sais rien. Mais c'est pas grave. Le mec qui gagne, c'est un copain à moi, qui est très fort aussi, il n'y a pas de problème, j'accepte sa victoire. Sauf qu'après, je discute avec une bénévole qui me fait, franchement, c'est vraiment dommage et tout. Je dis, ouais, bah écoute, hein, ça arrive, hein, tu gagnes, tu perds, voilà, c'est pas grave. Et elle me dit, non, mais à la base, c'est toi qui devais gagner. Elle me dit, en fait, à la base, c'est toi qui devais gagner. Et le jury a dit, oh, on se fait pas de soucis pour Sofiane. tu vois le truc ou pas? Ils ont préféré le donner à l'autre, parce que moi, vraiment, je te jure, je voulais pas paraître prétentieux, mais en toute objectivité, vraiment, il y a eu plus de rire. Si on regarde le volume de rire, il y a eu plus de rire chez moi que chez lui. Donc je me disais, logiquement, j'ai mieux marché, tu vois. Ouais. C'est le cerveau reptilien qui dit ça, tu vois. Il y a eu plus de rire, j'ai gagné, quoi. Sauf que là, ils ont dit, oh, Sofiane, on se fait pas de soucis pour lui. Et du coup, ils l'ont filé à l'autre, quoi. Ah ouais, j'ai eu la même chose avec un... Toi aussi ? Ah ouais, avec un théâtre qui organisait un espèce de concours d'humoriste pour jouer ensuite à l'Olympia. Oh là là là là ouf, là. Hein. Ah ouais. Et du coup, on fait le truc. Je sais que je ne suis pas dans ses petits papiers parce que j'ai un humour un peu particulier par rapport à ce qu'elle fait. Donc je le savais déjà, mais je participe au truc et ça se passe dans l'Essonne. Et bizarrement, en face, moi, j'ai mon public. Ah. C'est-à-dire, en face, c'est pas mon public, je les connaissais pas, mais, ouais, mais ils ont adhéré de ouf. Ils accrochent à ton humour. Et la meuf, à la fin, vient me voir, elle me dit... Bon, je savais que j'allais pas gagner, j'avais pas d'espérance. Mais par contre, je sais que j'ai eu la t'as été plébiscité. Voilà, la publicité. Et du coup, elle me dit, ah, ça a bien marché pour toi. Hein. Et juste, elle m'a juste dit ça. Et en c'est fait, tout. C'est presque pire. J'aimerais bien qu'elle dise, t'es bidon que... Ah, ça a bien marché pour toi. Ouais, mais je vais pas faire l'Olympia. Ça va aller le retour. C'est tellement dommage de voir qu'il y a des gens comme ça. Punaise, mais soyez sincères. Vous avez peut-être un plan pour faire gagner une personne, mais si vous voyez que quelqu'un est meilleur derrière, soyez objectif. Non, mais le pire, c'est que tu fais 500 bornes aller, 500 bornes retour. Oh. Tu manges un pauvre sandwich. C'est ça. T'es sur la route, tu te dis, pourquoi je fais ça? C'est et vrai. Voilà. Et en fait, il y a les moments magiques aussi, les moments où tu as fait 1000 bornes et que tu es arrivé, tu fracasses et tu dis j'ai pas envie de jouer, et tu joues et tu dis je sais pourquoi je fais ça. Voilà, c'est ça. T'as un public, donc c'est pour ça, elle est là. C'est des hauts et des bas tout le temps. Exactement. C'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, ok, tu avais une autre anecdote? Ouais, alors c'est pas vraiment une galère, mais ouais, c'est plus une anecdote. Un jour, je joue mon spectacle et il y a une meuf de Canal qui vient me voir. On peut dire Canal Ouais. Une meuf de Canal qui vient me voir. La chaîne 4, juste avant Arte, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. La chaîne câblée. La chaîne câblée. La chaîne cryptée. Voilà, bon. Et elle vient me voir et voilà, j'étais sur One Man Dog et tout ça, je joue à Paris. C'était juste après les attentats, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Et voilà, elle vient me voir et j'ai deux ex dans la salle. Mais pas deux ex bienveillantes. Genre deux ex... Elles sont venues te torpiller, quoi. Voilà. C'est-à-dire deux ex que je ne savais pas, elles se connaissaient. Et je crois qu'elles se sont connues après. Et elles se sont montées le bourrichon. Du coup, elles viennent. Il y a la meuf de Canal. Moi, je suis un peu en stress, tu vois. Tu le savais qu'elle était là et tout? Ouais, la meuf de Canal me dit, je viens, tu m'intéresses pour mon émission. D'accord. Ah oui. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est mieux qu'ils disent pas qu'ils sont là, tu vois. Ouais, ouais. Comme bon, ça, au moins, tu seras au naturel, sans pression. Peu importe. J'y vais, je fais le truc. Les meufs, elles disent... Donc, je commence à parler un peu de mes ex. Et là, j'entends, ouais, fais attention à ce que tu dis. Oula. Et moi, je dis, attends, allume la salle et je vois la meuf et je la reconnais, hop. Je la reconnais pas. Donc, et après, elle me dit, donc voilà, c'est trop bizarre là, comment j'étais. Et après, elle me dit, bon, tu te souviens pas de moi? Et tu sais, ça crée un espèce de malaise. Tout le monde croit que c'est prévu, ce truc-là. Il y a un budget, il met des gens dans le public et tout ça. Et là, commence à me dire son prénom. Je dis, ah ouais. Et là, je reconnais direct la meuf à côté. Ah. Là, je dis, ah, vous connaissez. Après, donc je vanne un petit peu. Je dis, ah ouais, donc vous êtes venu m'embêter. Je dis, ah bah voilà, c'est mes ex. Moi, je suis en mode spectacle, donc t'essaies de pas perdre la face, ouais, et voilà, de continuer, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je faisais des vannes, elle faisait, pff, non, mais ça, c'est pas marrant. Oh là là là. Et voilà. Et du coup, je les vannais, sauf qu'à bout d'un moment, tu fais tout le temps les mêmes vannes. Et puis après, tu vas être méchant et tu veux pas. Puis t'as la meuf de Canal qui est là, tu vois. Ouais. Donc tu commences à appréhender. Et la meuf de Canal qui vient me voir à la fin. Et moi, je joue avec mon petit chien, tu sais. Ouais, ouais. Et elle va voir mon petit chien, puis elle dit, alors, on va faire de la télé, tu vois. Et moi, je dis, ah, elle a quand même kiffé. Donc, tout ça va, ça. Ouais. Et en fait, après, elle vient me voir, elle me dit, par contre, on m'avait dit que t'étais un as en impro. Oh. Moi, j'ai trouvé qu'avec tes ex, t'as été un petit peu lèche, quoi. T'aurais pu les défoncer. Et c'est là que je dis, oh, pourquoi je t'ai pas fait? Parce qu'en vrai, je voulais. Oui. Mais comme elle était dans l'âge, je dis, ah, peut-être ça va pas oui, plaire. Oui, oui. Je suis un peu bridé. Mais je pense qu'on aurait eu tous le même réflexe voilà, que toi. Alors qu'en réalité, je pense que t'as raison. Si elle m'avait pas dit qu'elle était là, je les aurais défoncés. Mais peut-être voilà, elle serait venue me voir en me disant, vas-y, je te signe. Et du coup, elle m'a dit, on va attendre un peu tout ça. Ah. Voilà. Après, tu sais quoi le karma? Elle s'est fait virer Canal Plus. On sent un peu de ressentiment dans ta c'est voix. Genre l'amertume du gars. Tu vois. Non, parce qu'en réalité, moi je crois au destin, c'est pas important. C'est pas important. C'est juste, tu sais, des fois t'as des petits bonhommes dans ta tête qui dansent quand on te donne une nouvelle, tu vois. Tu vas, ah, peut-être je vais signer quelque part et tout machin. Mais en réalité, ce que je vis maintenant, c'est encore mieux que ce que j'aurais pu vivre. Bien ailleurs, sûr. Tu vois. Ah bah écoute, en tout cas merci beaucoup. Ah, c'était cool. Hein. Ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, oui. Tony Atlaoui. Oui. Sur Facebook également, Tony Atlaoui. D'accord. Voilà. Chaque fois que vous tapez Tony Atlaoui, ouais, il y a déjà pareil. Mmh. Ok, pas de souci. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.